un bisou au canon, mais pas avec les brelets de ton visage. Vitre toujours teintée, je fais des AR dans mon empire. Les sorts sont toujours baissés, je crains la lumière comme un vampire. Bitch, pas besoin qu'on s'entende. If, tu sauras qu'on s'entende. Bah, je te remonte en drag by. Reste. Le buteur Kobolos fait la passe. Belle et calard, nous j'ai la base. Belle et calard, nous j'ai la base. Le buteur Kobolos fait la passe. Belle et calard, nous j'ai la base. Belle et calard, nous j'ai la base. Belle et calard, nous j'ai la base. Le buteur Kobolos fait la passe. 272R en photo. 93 75 Chabus XV Barbare. Barbarie dans le réservoir. QZ! QZ! QZ! QZ! Carus!